heureux d'être à CKRL avec Rénal de Gagné, qui est moi, l'animateur. Parce que normalement, je me cache derrière mes personnages, comme le chantait Jean Lapointe. Non, je ne ferai pas un hommage à Jean Lapointe, je l'ai fait il y a quelques semaines. Mais me voilà démaquillé, comme disait la chanson. Quand on sera bien démaquillé. Attendez un petit peu. Quand on sera bien démaquillé, on va pouvoir enfin s'aimer. On va pouvoir enfin s'aimer pour un bon bout, fiez-vous sur moi. Car aujourd'hui, à partir de là, là je peux pas continuer. Ça demande, c'est aussi compliqué que... Attends un peu, une autre chanson, ça. Et ça, une bonne chanson, ça. Fais pas ça, c'est pas beau, pas dans le bois, pas dans l'eau. C'est pas mieux dans un motel, quelque part à Saint-Étel. C'est un gros péché mortel quand on touche aux demoiselles. Puis en plus, ben, les moustiques, ça pique. Cache ton cul, Frédéric, c'est toujours Jean Lapointe. Je veux pas rendre hommage, c'est terminé les hommages à ce gars-là, à ce Duplessis. Il y en a d'autres qui sont ici, il y en a d'autres qui sont partis, puis... Mais c'est un gars que j'adorais, et que j'adore toujours. Mais sinon, ça va la forme, janvier! Quand vous avez enfourché, là, le 2022 à 2023, avez-vous déchiré votre pantalon, madame? Alors, vous étiez en robe. Bon. Alors, je serai coquin. Avez-vous déchiré votre sous-vêtement? Vous en portez pas? Intéressant. Surtout en hiver. Oui, ça peut être dangereux, là, des engelures à ce niveau-là. Mon oncle Gaston, lui, c'est un homme. Vous, madame, je sais que vous êtes une femme. Mademoiselle aussi, vous êtes une femme. Mais lui, il a fait du ski à un moment donné dans sa vie. Puis à l'époque, c'était l'hiver. Là. C'est pas comme les hivers d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'hiver, c'est quoi l'hiver? Il y a un petit vent du nord. Ah, oh, mon, c'est pas chaud, hein? C'est pas chaud pour la calotte glaciaire. Hey! Ce qu'il faudrait souhaiter l'hiver, là, c'est des gros froids pour préserver nos ours blancs. Ils sont partis, ils s'en vont ici. Ils font des ours blancs. Puis c'est pas juste eux, là. Le Grand Nord a chaud. Les gens vont quitter leur Floride pour venir prendre du soleil à Québec. On va être pris avec des... Oui, moi je... On va être pris... On va être pris avec des Floridiens. Hein? Les manières... Avec leurs us et coutumes. J'ai rien contre leurs us et coutumes. Puis ils vont jamais essayer de parler français, eux autres. Parce qu'ils s'imaginent que ce qui tourne autour d'eux, c'est en anglais, c'est l'univers anglophone. Mais il y a des Italiens, il y a des Québécois, il y a des Flamands, encore là, des Flamands québécois, là, on n'est pas loin, là, avec des dialectes. Hey, Brel avait traduit le Handorschling, Orschling, Orschling, Orschling. Avais-tu des Orschling là-dedans? C'est beau! Comme il mentionnait, il y a juste. Qui a cet accent-là? Ça va me revenir. Qui a cet accent-là, sauf Brel à la télévision? Est-ce que c'est les bonbons? Non, madame, lâchez les bonbons, là. J'ai rien contre votre petit bedon dodu, parce que c'est très joli, très joli. Et quand tu regardes des belles peintures, là, du 17e, 18e siècle, les femmes, même au début du 19e, les femmes étaient belles, étaient dodues. Et ce dodu-là se perd aujourd'hui. Il y en a. Heureusement, qui ont conservé cet historique. Mais c'est beau, la chair! C'est bien de la graisse aussi. Pas trop, là, mais de la graisse. Moi, j'ai absolument rien contre la belle graisse. Ça fait partie de l'humain. Autant qu'il y a de dos, autant qu'il y a de la graisse. Hein? Moi, comme je suis un ancien gros, moi. C'est vrai. J'ai fait aucun effort pour maigrir. J'ai monté et descendu des marches. Je radote ça là, à tout le monde qui veut bien m'entendre. Puis je me rends compte que... Mais ça, je ne parle pas à radio, là. Je vous parle dans la vie de tous les jours. Ils sont tellement emmerdés. Non, ils en ont ras-le-bas de mes cassettes. Ouais, c'est un ancien gros, moi j'ai pas peint, non, j'ai pas fait de régime. J'ai monté et j'ai descendu des marches. Tu sais, je me dis que quand tu fais un spectacle d'humour, un spectacle en tournée, là, pas à la radio. À la radio, tu fais aucun effort. Là. Moi, je suis assis confortablement, quoique j'ai acheté un divan, mais ça laisse à... Non, mais le design est beau. Mais Saint-Simonac, je pense que c'est mes jeans, mes pantalons, excuse-moi, qui ont imprégné le... Vous allez me dire, si ça a imprégné le divan, t'es très souvent écrasé sur le divan. Écrasé n'est pas le mot. De un, il en est rien. Il faut bien être assis pour faire du montage sonore. Moi là, je fais pas... C'est certain que être un sportif aux Olympiques, par exemple, moi, je serais quoi comme genre de sportif, là, vide comme ça, là? Oh, non, ça, non. Orateur, c'est pas dans les Jeux Olympiques, malheureusement. Ça serait merveilleux d'entendre ça, là, les grands orateurs francophones de partout dans le monde, là, francophones, même anglophones, mais j'en parlerai des bouts, puis traduction, là, oh, bon, juste lire en bas, là, si ça parle aussi vite que des Italiens... Pas facile, hein? T'as les yeux qui coulent parce que tu veux pas les fermer. Tu veux toutes les glaces. Surtout, moi, je fais des inversions, moi. Sans le savoir. C'est pour ça que quand j'écris de la poésie, ça peut pas. C'est tout à fait surréaliste. Parce qu'il m'arrive des fois une lecture, puis ce que j'ai vu, c'est pas ce qui est écrit. Puis là, je trouve ça plus intéressant que ce que... je trouve plus intéressant ce que j'ai vu que ce qui est écrit. Donc là, ça me donne le goût de prendre un papier puis un crayon. Oui, encore, papier-crayon. Hey, en parlant de papier-crayon, il faut que je vous raconte un rêve que j'ai fait cette semaine. Je l'ai fait mercredi dernier. Mais là, il faut que j'aille chercher mon livre. Puis là, s'il y a des gens, là, avec cette aventure-là, qui se sentent interpellés, j'aimerais que vous m'écriviez. OK? J'aimerais amener ça plus loin avec vous, là, qui semblez être intéressé, être touché, être interpellé, comme je l'ai dit. Alors, OK, là, on y va avec une chanson, puis je vous reviens avec... parce qu'il faut que j'aille chercher mon livre. Parce que... bon, je vais vous le raconter là. J'ai fait un rêve. Mais moi, c'est pas, je rêve beaucoup. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque avant de me coucher, je mange un bon lunch. T'sais. Je mange presque un dîner. Pour être compris par les Européens. Et là, non, mais on a des amis européens ici à Québec là, qui viennent travailler. On les reconnaît. Puis sans doute, ce qui est bien, c'est qu'ils veulent s'assimiler. Bon, alors, on dit dîner là-bas, mais chez nous, on dit le souper le soir. Donc, nous, on soupe. Donc, je mange un bon souper, mais très tard, là, vers minuit, minuit et demi. Quelquefois une heure. Puis je me couche une heure, 45 minutes après. Et là, je rêve. Je fais des cauchemars souvent, mais je rêve. Et ce qui est arrivé ce mercredi, c'est extraordinaire. Alors, on passe la chanson et je vais chercher mon cahier. Sur l'étal bleu bac, j'ai vu des chaperons, des carapaces d'hameçons s'accrocher. Rouge de Chine, corps de dragon, crêtes et piques. Sur l'étal bleu bac, j'ai vu le regard de plomb du poulpe polyglotte, glouton. J'ai vu de mes yeux vus des oursins virulents, stridulés en tempo. Sur leurs pointes d'étoiles, en tirant la langue, j'ai vu les roues. rougeait du rocher, tiré à quatre épingles, raides et alertes. Je les ai vus simuler l'indifférence et décamper en cadence. J'ai vu les lapins de garenne singer le saut de mouton dents devant en riant. J'ai vu les pélamites étonnidées tout en crawl chromé, avalées crues par les ostréiculteurs, joueurs de banjo, de l'étang, de taux. À leur cou, j'ai vu les moules en grappe applaudir en rythme flamenco. Et vous, je vous vois de mes yeux voir. Fermez les yeux deux fois. Je vous ai vu de mes yeux vus défaillir au ralenti. J'ai vu des grenades du jour, des grenades pour l'amour. Le haricot vert immature se mangeait cru dans un hammam enfoui. J'ai vu le jambon du cochon qui a mangé les glands dans la bibliothèque du Vatican. J'ai vu les cèpes s'accoupler en super 8 dans l'humus du gros chêne de la forêt de Haguenau. Chocolat tenter de me convaincre d'arrêter le homard de la zone avec ses œufs noirs et ses pinces transformées en une flûte de pan. Et vous, je vous vois de mes yeux voir. Fermez les yeux deux fois. Je vous ai vu de mes yeux vus défaillir au ralenti. J'ai vu des grenades du jour, des grenades pour l'amour. Je vous vois fermer les yeux deux fois. Je vous ai vu défaillir au ralenti. Oui, alors, excusez-moi, j'étais en train de lire mon truc, là. Je vais vous mettre en circonstance, dans le contexte. Mercredi, bon, j'arrête d'entendre. C'est bon, est-ce qu'on entend comme musique? Oh, monsieur, oui, vous aimeriez savoir qui chante? Écrivez-moi, renalquebec@commercial.hotmail.com. Mais là, là-dessus... Je me demandais, il n'y a pas longtemps, pourquoi, avant ça, là, tout le monde nous appelait en nom. Qu'est-ce qu'il joue, là? J'ai ma copine qui me dit, Reynald, ils ont pu être appelés. Je dis, comment ça? Voyons donc, il y a un titre, là, qui, ils sont curieux de savoir, là. Ben oui, mais c'est facile. Ils ont... Un téléphone intelligent? Ah, oui. Bon, c'est vrai, oui. Je sais, tout le monde. Quand tu es dans la. Hein, quand tu prends le bus, tout le monde est. Devant leur. Quand ils marchent, quand la lumière est rouge, ils sont là, lâchez le cellulaire! Il y a des humains autour de vous, ça, c'est du cybernétique, c'est épouvantable! Ça mérite qu'on n'en parle pas. Et qu'est-ce qu'il voulait dire, les signifiants? Oui, c'est ça. Elle me dit, mais oui, mais il y a une application, là, dans le milieu, on dit ça, l'application. C'est Shazam. Ils plantent ça devant la radio, puis ils vont savoir qui joue, qui chante, qui joue. Hein? Ça prouve, hein? Hein? On disait à l'époque, aller aux vues. Puis maintenant, on se trahit. Nous, là, les jeunes de cœur, on se trahit. Juste par notre vocabulaire. Parce que, écoutez, dans mon émission, là, depuis que je le fais, je la fais, l'émission, depuis que je la fais, comptez le nombre de fois que mes personnages et moi-même ont osé dire dans le fond. Et là, j'ai fait, il n'y a pas longtemps, un an et demi ou deux, une montée de lait sur le terme « dans le fond ». Puis encore là, le pire, ben, dans le fond, c'est au Québec, mais là-bas, c'est en Europe, en France, c'est de, ou en Belgique, c'est du coup. Mais ben, en Belgique, je suis pas sûr, mais du coup, en France, ben, du coup, j'ai rencontré du coup Francis Lemar, mais du coup, Agnès Varda était là, mais du coup, lâche-le du coup. Mais là, ici, c'est dans le fond. Puis il y a une fille qui, je travaille dans une épicerie de quartier. Et je ris parce que j'ai fait il y a pas longtemps, il y a 15 ans, j'ai fait une improvisation. C'est vrai, il faudrait que je recommence à faire les trucs comme ça. Ça fait à peu près un an et demi que j'ai changé. Moi non plus, je n'ai pas changé, mais mes désolé, oui, un peu. Et j'ai fait un truc en deux épisodes sur les vidéos que vous pouvez voir sur YouTube, là, qui s'appelle l'épicerie du coin ou quelque chose du genre. Et c'est un endroit où on vend de la nourriture. Mais avant même que je travaille là, je connaissais même pas l'endroit, moi, là. C'était comme si j'étais un devin. Comme si je voyais dans la... Là, je voulais que je vous raconte l'histoire. Ben oui. Mon histoire, c'est que je suis né en... Non, c'est pas vrai. Ben, c'est vrai que je suis né, là, mais c'est pas ça. C'est que j'ai rêvé ce mercredi à une œuvre. Je peux pas dire cinématographique, je peux pas dire radiophonique, je peux pas dire théâtral, je peux pas dire littéraire, mais à une œuvre complète qui touche tous ces médias-là. Donc, on pourrait faire le titre, là, OK? Réel, c'est Projet V. Projet V. Mais au début, j'avais le Projet V7. Ah non, c'est pas de la schizophrénie, M. Tremblay. Non, non, non. Non, parce que ma copine est schizophrène et j'ai un grand respect pour ces gens-là. J'ai un grand respect pour tous les individus que nous côtoyons parce qu'ils méritent d'être entendus et d'être compris. Mais c'est, moi, le projet V, c'est autre chose. L'affiche qui va découler de ça, ou la pochette du livre, ou l'émission de radio, ce qu'on va proposer, c'est entre parenthèses le. Avec un X dessus, en voulant dire qu'on l'a abandonné. Projet V, ça reste. Et entre parenthèses 7, avec un X sur le 7 parenthèses. Ça reste le projet V. Le projet V, parce que V pour victoire, pour plein de termes en V. OK? Voyez-vous un peu? Oui. Alors, c'est au cinéma, parce que c'est cinématographique, c'est radiophonique aussi, parce qu'il y a aussi un lien avec la radio, et c'est théâtral. Et je place tout ça, mais là, je fais une bref, c'est un résumé très, très concis. OK? Et ça coule de source avec l'anarchiste, avec un univers anarchiste qui embrasse Artaud, Robert Lepage et George Orwell, 1984. Le festin est nu aussi de William Burroughs, c'est très aussi, comment ils appellent, les qui? Les voyons donc, oui. Les Big Generation. Je l'avais écrit de côté. Big Generation. J'ai tout écrit ça, là, quand je me suis réveillé. J'étais dans le demi-sommeil. Sommeil, tu sais, qui nous ramène à la réalité, malheureusement. Et là, j'ai pris mon cahier. J'avais un cahier. J'ai toujours quelque chose pour écrire. Mais je l'ai cherché parce que je m'en souvenais presque plus où il se trouvait. C'était sur ma table, mais rapidement, il faut localiser. Et là, il fallait que je trouve un stylo qui fonctionne parce que j'ai des centaines de stylos, mais je les jette pas, moi. On dirait que j'imagine qu'ils vont ressusciter puis qu'ils vont continuer à prendre des notes. Mais c'est pas ça, là. Faudrait que je jette ce qui fonctionne plus. J'ai bien peur, à un moment donné, de me jeter moi-même parce que je fonctionne plus. C'est ça, l'histoire de ma vie. Et puis... J'ai trouvé ça, la genèse, là, c'est écrit, la genèse, c'est le rêve que j'ai fait. Et c'est grâce à Audrey qui m'a raconté tout son côté marginal, c'est ma copine, et puis je me suis dit, Colin, je me colle à son univers aussi. Donc, ma grosse bouffe, là, c'est ce que j'ai mangé. Tout est écrit là-dessus avec des flèches, c'est merveilleux. Ça m'a amené à ce rêve-là. Bon. L'histoire est la suivante. Hein? Ben oui, mais les gens attendent depuis 2 heures, là. Accouche qu'on baptise, là. Monsieur le curé n'est pas là pour longtemps, là. On l'a appelé. À cette heure-là, il n'est pas très heureux. Il se dit... Je me réveille, là. Vous m'appelez pour... Ben écoutez, là, on voudrait que vous baptisiez... Oh mon Dieu, mais il faut prendre un rendez-vous, là. On fait ça à l'église, on pas ça. Non, parce que ça accouche qu'on bêtise. Oui, accouche qu'on bêtise, ça c'est pas fou. J'aime ça des enfants dans le même. Accouche qu'on bêtise, oui. Accouche qu'on baptise. C'est une expression, pouvez-vous baptiser? Ben là, madame, là. Non, c'est monsieur. Mais oh, monsieur, c'est moi, moi, les sexes à cette heure-là. Ah oui, les sexes, vous tout le temps, hein? Hey, écoutez, là. Êtes-vous en train de. Je suis pas en train, je suis assis sur mon divan, en train d'imprégner mon divan. Hein, mon sofa, de mes pantalons qui, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, ils décolorent sur mon stade. J'achetais ça, puis je ne peux pas le retourner au magasin pour 2 raisons. La première raison, c'est que je me suis rendu compte un peu trop long. Un peu trop tard. Un peu trop long aussi. Un peu trop tard. Et la deuxième raison, c'est que ben, c'est du pâle. C'est de la pâlotte. Là, je voulais avoir celui noir, mais ça existe. Il était pas encore... Il n'y en avait plus. Il était en préparation, mais moi, ça pressait, mais il me fallait un nouveau divan parce que je voulais changer mon univers, tu sais, changer mon salon. Parce que je vis dans mon salon. Mes émissions se font là, j'ai mon studio sur la rue des Abbesses, mais ben, c'est pas vrai, dans mon studio des Abbesses, pas sur la rue, mais dans mon studio des Abbesses, mais j'y vais rarement. Peut-être que demain, j'irai. Demain, oui. Ben oui. Je peux faire mes émissions, moi, quand je veux. Moi. Je peux faire mes émissions, mes exhibitions au moment où je le veux. C'est pas écrit dans le ciel, là, mais quoi que quelquefois. Et c'est grâce à mes amis extraterrestres avec leur soucoupe volante. Allez voir à partir de 21h, là, ils font des chiffres, puis tout ça, c'est écrit dans le ciel. Pas besoin d'astrologue. Moi, les astrologues, ah ben oui, la carte du ciel, c'est écrit dans le ciel. Mais non, c'est mes ovnis en haut, mes chums. Mes chumettes, surtout mes chumettes, parce que hey, les extraterrestres, elles sont extraordinaires. Hey, mais, avez-vous déjà embrassé une extraterrestre? Eh, monsieur, votre bouche n'en revient plus. Ah, c'est Projet V. L'histoire du projet V, on vous le raconte après ceci. Well, maybe it's me when late Saturday night. I had my hair part-time, the baby just looks so right. Whiskey on the rocks and change up with all the jukebox. inside out. We're gonna rock this town, think of scream and shout. Let's rock, rock, rock me, rock. We're gonna rock till we pop, we're gonna rock till we drop. We're gonna rock this town, rock this place apart. Merci. J'aimerais que tout le monde là, qui gravite autour de l'univers créatif participe à ça. Là. Si vous faites la photographie, envoyez-moi des photos là, qui pourraient résumer un peu ce que je vais vous dire comme synopsis. Synopsis. Synopsis à ça, là, c'est synopsis à ouais, la miss. Miss, là, c'est ça, ouais, ta 7, 8, à 10, à 12, à 15. Non, mais si vous êtes dans n'importe quelle situation, là, artistique, je sais pas, là, graphiste, poète, créateur de tout genre, de tout acalbé. Alcalbi, Alcalbi, Alcalbi, Alcalbi, Anoni, Didi, Alcalbi. OK. Alors, l'histoire est la suivante. Pas l'histoire, mais l'histoire. Le peuple se fait endoctriner par les médias et vient à croire à cette machination. Nous devons sauver notre peau. C'est ça l'histoire. Donc, tu sais, ça joue un peu dans l'univers de PC. J'ai pas écrit ça en voulant copier. Mais Orson Welles, avez-vous entendu Orson Welles à la radio, là, son émission Les extraterrestres arrivaient? Mais moi, c'est pas des extraterrestres, c'est entre nous. Entre nous. Voilà. Je lance l'idée. Moi, j'ai déjà une belle aventure là-dessus, là-dedans. Je m'y plonge régulièrement à des courts moments. Régulièrement, mais à des... Ouais, c'est ça. C'est mieux vaut des petits... des petits jets que des longs jets oubliés. Oui. Longs jets oubliés, l'as-tu connu, toi? Il travaillait au Rempart de Québec. C'est... Lui, là, il était tellement méticuleux qu'à chaque fois que la glace avait un petit trou, avec sa bouche, en soufflant, mais il faisait pas ça, lui, il faisait... Puis là, la glace fondait un peu. Puis avec son petit linge humide, mais il disait pas le linge humide, lui. Il disait le chamois. Il prenait un chamois pour la glace. Il aimait tellement le hockey, ce gars-là. Ah, je parle en anglais, oui. C'est dans ma tête, ça dit en anglais. Ça, parce que moi, en anglais, c'est « Hey, how are you doing? How are you, hein? Ah ouais, donc, viens-t'en. Ah ouais, la petite petite. Ah ouais, viens-t'en. Deux gros jambons, ça va, saignant. Ah ouais, hein, ça va. Non, c'est en français, c'est « ça va ». Oui, parce que c'est deux gros jambons. Deux gros... Hein? Faites attention à votre français, vous. Vous perdez vos... Oui, vous perdez... Je vais vous le dire, vous perdez autant votre français que vos dents. Puis si ça reste comme ça, là, combien dans notre bouche on a de dents? Dedans notre bouche, combien il y a de dents dedans notre bouche? 88. C'est pas un piano, madame, là. C'est une bouche. Pas une bouche d'égout, là. Votre bouche personnelle à vous, là. Votre belle bouche. Oui. Non, je fais pas la blague. Oui. Vous la... Ah, ils tiennent à ça. OK, je vais appeler Kate. Kate Bush. Je voulais pas, mais vous m'autorisez à dire des conneries semblables. Moi, là, je suis un converti à un humour quelquefois facile. Parce que, je vais vous en raconter quelques-unes. Je vais vous raconter la chanson. Chante-la ta chanson. Non, lâche-le, OK. Sinon, il va m'apparaître. C'est comme quelqu'un, à un moment donné, un client, mais pas à l'endroit où je travaille actuellement. C'était, hey, monsieur, dans ma première vie. Oui. À côté de CKRL, je travaillais là. Pas à CKRL. Je travaille aussi à CKRL, mais à côté de CKRL, c'est là que Marjorie est venue me chercher. Un peu comme j'étais noyé. Marjorie Champagne venait chercher ses journaux. Elle voyait le pitre qui sommeillait en moi, mais je sommeillais pas trop, moi. Ah, mon Dieu, j'étais à l'extérieur de moi. Puis là, elle voyait bien que les clients restaient pour m'écouter. Puis là, elle disait, toi, t'as le sens de la répartie, puis je te propose une chronique. Je la refais-tu? Je la raconte-tu encore? Le monde le savent, hein? Aux quatre coins des mots et des idées, puis après ça, elle dit, propose-moi une émission. Ça a été Errance Renadienne, et me voilà maintenant. Et c'est nous, c'est vous, c'est toi, puis c'est la première version, et... Je m'ennuie quelquefois de cette première version-là. Mais il faut pas être, il faut poursuivre. Alors, pour poursuivre, pourquoi pas enchaîner? Hé, attention, son œuvre, hein? Allez, David. On y va. C'est pas électrique, ça, là. C'est un moteur. General Motors. Oh! Teenage rebel through okay. I'll be damned if I work all day. I think that you look okay. I won't even look your way. Hey! Mimi. Mimi. Non, mais j'appelle mon chat Mimi parce que il est mi-miniature, hein? Mi-miniature. Je l'ai acheté, là, il était chaton. Puis on dirait qu'il aurait petit avec les années. Mimi. Je l'appelle parce qu'il fait tout le temps rouin. Puis je me dis que si je fais rouin, il va sentir interpellé. Il va entendre ma douce voix. Puis j'ai chanté des belles chansons, puis je le vois plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Mimi rouin, mimi rouin, mimi rouin. Oh mon Seigneur. J'espère qu'il s'est pas fait manger par les rats qui sont à l'extérieur, qui gravitent autour de notre maison. J'en ai vu deux, trois rats, là. Des rats à deux pattes puis à quatre pattes, là. Ils sont pas juste à deux, hein. Mais ils sont pas juste à quatre, surtout. Il y en a à deux. Puis parce qu'ils miaulent un peu, là. Parce que je laisse sortir. Là, j'attends un petit peu parce que je suis pas tout le temps devant la porte, tu sais. Moi, je suis Gaétane Brisebois. Poétesse. Ça dégonfle, vraiment, ça dégonfle! Non, elle est poétesse. Donc, elle a écrit de la poésie avec un crayon, un papier et son intelligence. Son chat est parti. Il est parti vers l'horizon lointain, cherchant le mal. Pourquoi tu penses que c'est une chatte ou un chat? Mais c'est une chatte, elle l'a raconté dans son beau livre, là. Parce que elle, je vais vous raconter un peu son histoire. Elle écrit mais des récits instantanés. C'est-à-dire qu'elle les broche puis elle les distribue aux gens qui l'aiment bien, là. Puis des fois, elle va au café, puis elle dit, « Dis-moi ça, gars, ça, c'est moi qui ai écrit ça. » Puis elle avait mentionné que son chat, hein, son petit minou, était parti. Mais il était tellement petit. Puis c'est vrai qu'il est né bébé, hein, comme tout le monde, là. Mais au lieu de grandir, il rapetissait. Là, à un moment donné, elle s'est dit, il va devenir une fourmi. C'est là son moindre défaut. Que faisais-tu, mon chat, là, pendant ton sevrage? Et là, le chat, un peu gêné, ça. Il avait raison de dire ça, là. C'est pas un imbécile, là. Hey, ce chat-là a déjà la paix tant de lait. A déjà miaulé devant tant de félins. Quelquefois, pendant ces moments plus virulents, plus punk, parce que c'est un chat punk, là, a jappé devant le grand Japy Toutou. Et tous les félins connaissent Japy Toutou, qui est le Bouddha de tous les félins. Japy Toutou. Le grand Japy Toutou. Japy Toutou, Japy Toutou, Mesdames et messieurs, on vous présente ce soir un quatre-pattes lumineux, poilu, doux comme une femme au cœur d'argent. Doux comme un petit Jean aux mains de doigts. Dis-moi, est-ce trop pour ta main? Normalement, oui, là, j'ai 5 doigts sur une main et 5 sur l'autre. Oh, mais si tu additionnes... Attends un peu, là. J'additionne 5 et 5. 5 et 5. 5 et 5, un peu mouillé, 115 livres. Ah, j'ai-tu raison? Mais non, 5 et 5, la calculette, 5 et 5. La calculette, 21. Calculette? Ma petite calculette? Ça, c'est son poisson rouge qui tourne toujours autour du pot, mais il veut jamais rentrer dedans. Actuellement, là, qui a chanté depuis deux chansons? Vous avez... Oui, c'est madame. C'est Georges Moustaki. Oh, oh, non, mais Georges Moustaki, c'est avec ta gueule. C'est plus. C'est moins, donc c'est plus. OK? Attends un peu. Moi, je dirais sincèrement Jacques Lemieux Junior. Jacques Lemieux Junior. OK, il fait dans la chansonnette, tu sais, lolo, mine de rien, la voilà. OK, il reprend du Yves Montand, ben la chansonnette, là. Mais Yves Montand, c'est de la chansonnette, ça. Ben non, Yves Montand. Ben Yves Montand. Montand est précieux, moi, là, hein. Je veux pas m'arrêter sur des conneries semblables. Madame, là. Monsieur, dites pas des choses que, ben, c'est à vous, là. Je veux pas non plus être choqué devant autant d'insignifiance, mais les Stray Cats demandent une autre chanson. Talk, talks all night, but she ain't got much to say. She knows.

Lord, dear Lord, I'm scared of the sea. Donc, tu fais des cours privés, tu donnes des cours à l'école. J'ai un poste d'enseignant au Jardin d'enfants des Nations Unies, oui. Qui est une petite école privée associative. Bilingue, oui. Voilà. Qui a été fondée en 1951 par des parents qui travaillaient à l'UNESCO. Ah, okay. Voilà, donc j'ai rencontré la directrice il y a 4 ans, une femme formidable qui s'appelle Clotilde Boulet, parce que c'est bien de la citer. Boulet, c'est très très québécois, Boulet. C'est vrai? On a beaucoup de Boulet chez nous. Ah oui? Oui. D'accord. B-O-U-L-A-Y. Ah là, c'est B-O-U-2-L-E-T. Ah, ok. Boulet. Mais je demanderais ça quand même s'il y a un lien. Mais ça peut être une modification. Il y a une modification avec la France. On a deux Canadiennes d'ailleurs dans le. Québécoise ou... Ah, une Québécoise. Et puis une qui vient de Toronto. Ah, ça c'est une Canadienne. Dans les enseignantes. Ah oui. Ah, ouais. Avec l'accent la francophone. Non. Quand elle revient. Okay, ouais. Là, elle part demain. Quand, okay. Je pense que quand je la reverrai à la rentrée, peut-être qu'elle aura repris okay. L'accent. Ah, ben c'est bien. Ah, et donc j'ai ce poste. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer cette directrice qui est une très très grande mélomane. Donc pour elle, la musique, c'est super important. Elle a tout de suite compris l'enjeu en fait de faire venir un musicien dans son établissement. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est quelque chose. Ouais. Donc ça c'est assez génial. Et puis après j'ai un poste à la Bibliothèque nationale de France. Donc là, alors, mais pour le comité d'entreprise. Donc ça, ouais. Ça a l'air pompeux comme ça, mais c'est pour le comité d'entreprise. Donc là je travaille. C'est un cours de guitare qui est destiné aux fonctionnaires du ministère de la Culture. C'est leur loisir. C'est un loisir, voilà. Ouais, et puis à côté de ça, j'ai des cours privés. Mais t'arrêtes pas. Ah ben j'ai une vingtaine d'heures par semaine de cours. Ouais. Ouais. Que ben tu oui. Peux pas. Est-ce que tu peux faire un horaire ou si l'horaire est déjà. Je peux okay. Arrêter. Oui, okay. Oui. Ouais, surtout des cours particuliers, ça je peux appuyer sur le bouton pause quand j'ai autre chose à faire. Okay. En fait. Tu peux reporter ça au lendemain. Ouais. Okay. Ouais, ça c'est quand même. Bon après j'évite de le faire parce qu'il y a quand même un suivi pédagogique, tu ouais. Vois. Enfin qu'il faut. Enfin quand t'enseignes, tu. Mais... Tu lâches pas non plus les gens dans la nature comme ça du jour au lendemain. Hein, mais Il faut pas se le cacher, mais il y a certains qui prennent des cours de guitare puis ça fonctionne pas. Es-tu assez, limpide pour dire à une étudiante ou à un étudiant, ben la guitare c'est peut-être pas ton instrument de musique? Ah oui, bien sûr, oui. Oh, oui. Et comment oui. Les personnes. Surtout quand je travaille quand il m'arrive de travailler avec des débutants en fait. Oui, et j'allais dire aussi avec des enfants ou des jeunes ou des adolescents. Quoi. Mmh. Ça, évidemment, si au bout d'un an je vois qu'il y a une très très grosse difficulté ou alors un manque total de travail, parce que c'est souvent le cas aussi. Oui, oui, oui. Ouais, c'est pas parce que tu veux bah, ça, je leur dis. Je leur dis avec toi que ça fonctionne pas. Là. Moi, je j'enseigne pas pour garder les élèves éternellement. Tu vois, enfin, j'enseigne pour apprendre la musique à mes élèves, pour apprendre l'instrument et pour leur apprendre l'autonomie. Quoi. C'est enfin, sûr que la pratique, c'est très important. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut passer par une autonomie au bout d'un moment, hein, ou par un arrêt. Ouais. Mais ce qui est. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de semer des graines en fait. Quoi. Alors évidemment avec des jeunes, des très jeunes enfants, ça c'est évident. Mais aussi chez des adolescents ou même chez des adultes. Quoi. J'ai souvent le plaisir tu vois, de retrouver des gens que j'ai pas vu depuis 4-5 ans, qui ont eu des périodes d'arrêt, qui ont arrêté de jouer, et puis qui me disent bah, là j'ai repris, je travaille seul. Et est-ce qu'ils ont retenu, au-delà de l'instrument en fait, ce qui est important dans la musique, c'est de savoir que ça peut être un refuge. Alors un refuge, il n'y a rien de... Tu vois ce que je veux dire ? Mais que c'est une bulle, et que c'est notre propre bulle. Je pense que c'est pareil aussi quand tu es auditeur, tu es dans ton monde. Mais quand tu es acteur, quand tu joues d'un instrument, pour moi c'est ça qui est important aussi dans la transmission, au-delà de la pratique instrumentale, de savoir comment on joue d'un instrument, c'est de savoir qu'on a ça en fait. Et que ça on peut le retrouver et que tu l'as pas dans ta vie de tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ça, pour moi, c'est essentiel. D'avoir conscience que c'est une chance de pouvoir se connecter à une bulle qui va t'accompagner dans la vie et qui va être là, que tu vas pouvoir retrouver et qui, dans des moments, parfois aussi, enfin, des moments difficiles, est là. Tu vois? Et toi, ça t'a servi? Oui, ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Après, je regrette, hein. Enfin, c'est pas que je regrette, mais je trouve que quand on a une activité qui est très très soutenue, des moments, tu vois, comme ça, manquent. Et c'est difficile de trouver le temps, tu vois, dans la vie moderne, d'arriver à se reconnecter avec. Avec l'instrument. Mais après, on retrouve ça quand on est musicien, évidemment, dans les concerts aussi. Quoi. C'est vrai que ça fait un bien. Tu vois. Ces dernières années, j'ai pas énormément joué, mais je peux te dire que les fois où j'ai joué, bah, ça m'a vraiment fait du bien. Quoi. Et là, le plus récent, c'est Peppermint. Ouais. Ouais. Là, je pars à Dieppe ce week-end faire deux concerts. Avec qui? Avec un saxophoniste qui s'appelle Arnaud Bessis et puis avec une chanteuse qui s'appelle Awa. Je ne la connais pas. Donc je vais découvrir son répertoire et sa personne. Ouais, mais allez-vous pratiquer. Comment? Allez-vous pratiquer. On se voit demain. Ok. Alors c'est juste une pratique. Ouais, on répète demain. Et puis après on joue samedi et dimanche. Mais le spectacle. C'est quoi, des standards de jazz. Non, c'est on va jouer une heure et demie, quoi, deux heures, je sais pas, un truc comme ça. Juste une journée de demain matin, une matinée. Bah, on va jouer des standards, donc du coup, c'est des choses que je connais. Okay, tu vois. Okay. Et puis après, on verra les deux, trois trucs qu'on connaît pas bien ou qui doivent être mis en place. Tu vois. Ah, mais ça, c'est utilisant, jouer des grands standards. Hein, parce que les gens les connaissent. Les gens les connaissent. Puis l'ambiance est déjà là. Les gens ont hâte. Ah, mais c'est bien. Ouais, ça va être sympa. As-tu déjà entendu la voix de la chanteuse? Non. Ok. Non, ça va être une pure découverte. Et c'est où? C'est à quel endroit? Alors, c'est à Varangeville-sur-Mer et à Quiberville. Puis c'est... Donc c'est Dieppe, c'est la Haute-Normandie. Oui. Est-ce que c'est le guitariste qui est venu te chercher? Est-ce que c'est le... C'est le saxophoniste. Le saxophoniste qui... Ouais. Ouais. Et toi, t'es embarqué? Le saxophoniste que je connais depuis très longtemps, qui est d'ailleurs un ami d'Emma. C'est, bah, d'ailleurs, c'est par lui que j'ai rencontré Emma. Ok. Oui, c'est ça, oui. Parce qu'ils sont plus ou moins cousins, je sais plus. Il y a une sorte de lien familial, tu vois. Donc, il y a un lien familial, donc, ouais. Est-ce que tu refuses souvent des invitations comme ça? Rarement. C'est un bon joueur. Ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé. Parce que tu n'avais pas le temps ou parce que ça te... Non, parce que... Si ça me parle pas du tout esthétiquement... Je crois que ça m'est arrivé rarement, hein, mais il y a 2-3 ans, j'ai refusé un projet parce que ça me parlait pas du tout, en fait. Parce que ce qu'on m'avait fait écouter était un projet électropop qu'avec des synthés, et puis avec très très peu de développement harmonique. Et je ne voyais pas ce que j'allais faire là-dedans pour faire un accompagnement. Enfin, le chanteur voulait faire une version instrumentale du projet. Et je ne voyais pas du tout, en fait, ce que j'allais pouvoir proposer. Quoi. Puis ça ne me correspondait pas du tout. Donc je lui ai dit non. Je lui ai dit d'ailleurs très ouvertement. Hein, je lui ai dit, écoute, je ne vois pas ce que je vais faire, ce que je peux t'apporter. Je te conseille d'aller demander à quelqu'un d'autre, quoi, de contacter quelqu'un d'autre. Quoi. Mais quand c'est bien dit, c'est une fois. Oui, pas de façon, enfin, c'est... Est-ce que tu vas prendre des vacances bientôt? C'est déjà fait. Ah, c'est déjà fait? Une semaine? J'ai pris ma semaine estivale il y a 10 jours. Ok. Et t'es resté à Paris, j'espère que non? Non, je suis parti en Grèce. Ah oui, ouais. Et c'est pas long, une semaine, hein? Non, mais là, cette année, c'est comme ça. Okay. Je peux pas faire autrement parce que je déménage, comme je t'ai dit. Ouais. Je quitte le 14e arrondissement de Paris. Ça faisait longtemps que tu étais là? Ça va faire 9 ans. Et bon, après, je pars pas très loin de Paris. Hein. Je vais en banlieue parisienne à Meudon. Mais après, moi, je suis parisien, je suis né ici. Ça me fait... Non, c'est juste... Bon, c'est un projet, en fait. Bon. plus d'espace. Voilà. Tu vas avoir ton studio? Je vais avoir mon bureau. Ah, ton bureau. Ah, c'est bien. Pas encore le studio, non. Mais mon bureau. Mais on se rapproche du studio. Ouais, je vais avoir ma pièce. Exactement. Ah, mais c'est bien. C'est bien. Ouais. Est-ce que le travail de compositeur, est-ce que tu y reviens souvent à ce rôle-là de compositeur ou depuis quelque temps, tu as mis ça de côté parce que tu as tellement de projets avec... J'ai mis ça un peu de côté, ouais, j'ai mis ça un petit peu de côté. En tout cas, je suis dans une période, alors après, je sais pas si c'est une période de ma vie, ou si c'est... je sais pas comment vraiment l'exprimer, mais... Je me pose beaucoup de questions, pas par rapport à la musique en général, mais par rapport à... si... Par rapport à la musique quand même, mais pas par rapport au fait d'en faire ou de créer, mais par rapport à des esthétiques. Okay. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas enregistré de disque sous mon nom depuis maintenant un bon bout de temps, depuis quasiment 8 ans, donc de projet personnel. 8 ans c'est long, hein. Parce qu'en même temps, cette étiquette, ce compartiment, tu vois, de musicien de jazz, me convient peut-être plus vraiment, en fait. Et je vois pas ce que je pourrais faire aujourd'hui vraiment dans cette esthétique-là si je me limite à ça, en fait. Alors après, j'ai ce projet sur la peinture de Miro. Ça, c'est quelque chose que je vais enregistrer. Je sais que ça va faire partie de mes prochains projets, mais quand j'aurai la possibilité aussi de réaliser vraiment les choses concrètement au-delà du disque. Mais voilà, je ne sais pas si c'est lié au fait qu'aujourd'hui, enregistrer un disque, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on en vend que si on fait des tournées, Oui, parce que tourner, c'est compliqué, comme je le disais aussi tout à l'heure, parce que il faut tout organiser. Est-ce que c'est lié au fait que je me dis, ben, pourquoi enregistrer un disque, enfin, j'ai pas enregistré un disque de standard de jazz, quel intérêt ça a, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est peut-être aussi une prise de recul par rapport à la façon dont je pouvais faire aussi ce métier de musicien de jazz, quoi, en fait. Enfin, après, je pense que, en même temps, c'est aussi une condition, le musicien de jazz. C'est-à-dire que c'est... Tu vois ce que je veux dire? C'est... moi, je reste un improvisateur, je reste quelqu'un qui a envie de créer, voilà, mais dans différents univers aussi, quoi. Pas une balade. Non. Est-ce que c'est en travaillant avec Pierre Fock que tu as réalisé que le jazz c'est quelque chose, puis la musique populaire c'est autre chose, puis que jouer les deux c'est aussi intéressant? Oui, enfin c'est par ce type de rencontre aussi. C'est par aussi, enfin j'ai fait 3 cabarets à la Comédie Française. J'avais été appelé par un musicien qui a une très très grande ouverture, lui. Très très grande ouverture et culture musicale, dans, autant en classique qu'en pop, qu'en jazz, tout ce que tu veux. Benoît Urbain, qui est pianiste accordéoniste, qui m'avait appelé pour faire 3 cabarets à la Comédie Française. Et c'est vrai que j'ai reconnecté avec des choses que j'avais pas joué depuis, enfin que j'avais jamais joué, ou que j'avais très très peu joué. Et j'ai trouvé ça super intéressant, en fait. Comme je te disais, l'accompagnement, accompagner un texte, faire vivre musicalement un texte, je trouve ça passionnant, quoi. Mais t'aimes bien te mettre en danger. Ouais, et puis j'aime bien aussi, j'aime bien ça aussi, bien sûr. Ouais. C'est vrai que c'est, Bonjour. Non, mais c'est vrai que faire des rencontres, faire des concerts, tu vois, où tu connais pas bien les personnes, aller jouer un projet où tu n'as fait que 2-3 répétitions, Peppermoon, le concert du Düsseldorf, c'était hyper frais. Moi j'étais dans une période où j'étais surchargé de travail, ce concert, pour moi je l'ai mal préparé. Donc oui, il y avait une prise de risque, mais c'est pas pour autant qu'il s'est pas bien passé, parce qu'il s'est passé des choses. Parce qu'il y a quand même une maîtrise de ce qu'on faisait, tu vois. Et oui, et la musique, enfin pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est de rencontrer, d'échanger avec des gens, de créer des choses, de... Donc oui, je sais pas le prochain projet que j'enregistrerai, je te dis, je pense que ce sera ce projet sur la peinture de Miro, dont je t'enverrai des extraits d'ailleurs, parce que j'ai quelques concerts qu'on a fait... Des intégrales. Ouais, des concerts que je t'enverrai. Mais je sais pas, après moi j'ai plein d'envie, tu vois, j'aimerais beaucoup écrire pour la danse, j'aimerais beaucoup aussi écrire pour le théâtre. Le cinéma tu n'as pas encore fait? Si, j'ai fait des choses aussi, oui, pour des courts-métrages, j'ai fait des choses, ouais. Et puis comment tu perçois ça? Bon, c'était super intéressant, quoi. Très très intéressant d'accompagner l'image. Enfin, j'ai fait un projet de ciné-concert sur le cinéma de Max Linder, donc le cinéma muet, là où on a écrit de la musique pour un trio de jazz. Et puis là, il n'y a pas très longtemps, j'ai coécrit la musique d'un court-métrage de 2 jeunes photographes. Donc là, c'était plutôt un projet qui était lié à une projection du court-métrage dans un cadre d'exposition, dans un cadre muséographique, tu vois. C'était joué en direct ou... Non, okay. Non. Enfin si, attends, est-ce qu'on a joué sur l'image? Oui, on a joué sur l'image, oui, bien sûr. On l'a enregistré et joué sur l'image, mais après on l'a pas joué en direct. Non, je comprends. Il n'y a pas eu de concert. Il y a eu projection, il y a eu enregistrement de la musique, puis ça s'est fait en direct. Voilà, okay. Mais il n'y a pas eu de concert après. Il devait y en avoir, mais bon, ça n'a pas eu lieu. On avait fait ça à un moment donné à Québec, hommage à Chaplin, puis il y avait des musiciens en direct. Mais ça donne quelque chose. Ça oui. Mais le Max Linder, par contre, on l'avait fait en direct. Et puis? On a fait une date à la Cinémathèque de Toulouse. Combien de musiciens? Trois musiciens. Et puis malheureusement, il n'y a pas eu de suite après. Bon. Mais je veux dire, comment les gens ont perçu ça, le direct, c'est quelque chose... Très bien, ouais. Ouais. C'est surprenant. Ouais. C'est surprenant. Tout le monde est un peu... Et puis après, c'est la tradition, hein, par le cinéma muet. Enfin, t'avais des orchestres. Hein, donc, ben, il y avait un pianiste. Général, il y avait un pianiste, c'est vrai. Ouais, ouais. Après, sur les salles, tu avais parfois plus de musiciens. Mais, oui, tu as raison, c'est vrai que c'était souvent piano. Ouais. Mais peu importe, c'est pas grave, c'était un musicien en direct qui était là. Et donc, tu as touché à toutes les strates, presque. Tu veux dire du spectacle, tu veux dire? Bah, la danse, j'ai jamais écrit pour la danse. Ça, j'aime beaucoup la danse contemporaine, j'aime beaucoup le ballet aussi. Enfin, depuis quelques années, j'ai... Je vais voir beaucoup de choses parce que je trouve que c'est une forme passionnante. Ouais. Et c'est vrai que j'aimerais bien un jour écrire pour la danse. Ouais. Et tu vois que. Mais bon, après voilà, c'est toujours pareil. C'est ce que je te disais, l'équilibre, rencontrer, trouver le temps de faire les choses. Et dans une logique où bah, il faut gagner sa vie. Ouais. Tu vois, mais tu fonctionnes souvent aussi par lien. C'est toujours quelqu'un qui te présente quelque chose ou... Ah non, je vais voir aussi les gens. Ok, là, tu frappes ou pas? Ah oui, ça j'hésite pas, tu vois. Est-ce que ça arrive souvent? Que je le fasse? Oui. Ça arrive, oui. Bah, pour ce projet sur Miro que je voulais faire là en 2021, que je voulais reprendre en 2021, j'ai contacté une figure très importante de la musique électro. Que j'ai rencontré. Voilà. Et, enfin, ça, je l'ai contacté directement et je suis allé le rencontrer. Puis j'ai essayé de défendre le projet, de lui proposer. On a eu beaucoup d'échanges et puis bon, les choses se sont un peu diluées au fil du temps. Voilà. Mais le projet. Mais donc oui, non, j'hésite pas en fait. Ça, c'est pas du tout quelque chose qui me fait peur d'aller contacter des gens. Les disques que j'ai enregistrés d'ailleurs, ce quartet avec Alain Jean-Marie, avec Gilles Naturel et Andra Micheluti, je ne les connaissais pas du tout, ces musiciens en fait. Alain, je ne le connaissais pas. Enfin, tu vois, enfin, j'ai monté ça, je les ai appelés, ils ont dit. Mais comment tu as fait pour les connaître si tu ne les connaissais pas? Tu connaissais leur musique, tu connaissais leur... Alors, je connaissais leur musique. Okay. Je savais qui c'était. Okay. Non, okay. Puis tu les connaissais pas. Non, je savais qui c'était, okay, en fait. Okay, okay, non, bien sûr. Okay. Mais après, on nous a mis en contact, je les ai appelés, je leur ai envoyé, tu vois, les partitions, je les ai rencontrés. Et puis, bah, après, bon, on s'est retrouvés au studio, et puis c'est parti. Hein. Pareil, très peu de répétitions. Les choses se sont faites... très rapidement. L'album avec Alain, par exemple, l'album en duo, le dernier album que j'ai produit, je pense qu'on a dû se voir une fois pour préparer la séance d'enregistrement, et puis la séance d'enregistrement a duré un après-midi, tu vois. Donc ça a été très très vite. Mais est-ce que tu cherches ça ou... Tu aimerais prendre le temps de te placer, de travailler un peu plus, ou si le jazz peut permettre ce côté-là, rapide, instantané, on y va. Oui, je pense que le jazz permet, c'est une musique qui permet ça. Après, je te dirais que c'est pas non plus l'idéal, ça dépend. Thank you. décision éphémère, éternelle, tout ce qui est bon. C'est comme les saisons, je m'en remets au ciel profond. Tu ne peux pas bouger la lune, le temps, l'ombre des supernovas, non. Même avec beaucoup d'argent dans l'arienne des états, ça ne te servirait pas, non. Quand les gens se connaissent, c'est très bien, tu vois, mais c'est pas toujours l'idéal, en fait. C'est vrai que j'aimerais avoir 4 jours, 5 jours, une semaine de studio, tu vois. J'aimerais ne pas avoir à avoir uniquement une journée d'enregistrement, une journée de mix, et puis c'est tout. Mais après, je dirais que c'est un inconfort qui apporte aussi beaucoup, quoi. Bah parce qu'on, je pense qu'on crée différemment, il y a une urgence, il y a une concentration qui est différente. Tu vois, je suis pas certain non plus que les projets sur lesquels on passe 10 jours de studio soient forcément les plus aboutis, tu vois ce que je veux dire. Le seul truc, c'est quand tu as une journée d'enregistrement. Alors c'est pas une journée entière d'enregistrement, évidemment, non, c'est une demi. Enfin, c'est une demi, parce que le matin, tu passes le temps à préparer les choses, t'as moins de matière, donc il y a un risque. Excellent. Quand j'ai fait le disque avec Alain, par exemple, on a enregistré, je sais plus, enfin, c'était assez dingue, quoi. On a dû enregistrer une quinzaine de morceaux, en se limitant à 3 prises à chaque fois, pas plus, parfois 2. C'est vrai que je suis parti de là, tu pars de là, tu te dis, est-ce que j'ai la matière ? Ouais, la crainte, ouais. Tu vois ? Et puis parce qu'en même temps, tu n'as pas la volonté, enfin moi j'avais pas la volonté de faire du montage aussi. Toi, ce que je veux dire. Prise, je voulais que ce soit vraiment très très proche. Alors on a fait quelques raccords, parce qu'il y a des moments où il faut quand même accepter ça et en faire, quoi. Oh, ouais. Mais je voulais que ce soit très très très direct, en fait. Et la moins possible. Et là tu pars et tu te dis, mon Dieu, est-ce que j'ai de quoi sortir un disque ? Là, c'est là que ça commence à... Et puis bah, après, tu laisses reposer, puis tu réécoutes, et puis bah, finalement, tu commences à construire des choses et à imaginer des choses, et puis à imaginer un ordre, ouais, à retirer certaines choses que tu voulais faire et que finalement, bah, sont plus du tout judicieuses. Qu'il l'était avant, mais qu'il ne l'est pas après. Ouais, et ça, c'est vachement intéressant aussi quand on réussit, je trouve. De construire par rapport à... Bon, on te donne quelque chose, voilà, tu l'as fait, tu as fait quelque chose, ben maintenant, fais-en quelque chose de concret, quoi. Ouais. Tu vois, et... C'est comme de la glaise, tu dois en faire un pot. Voilà. Mais le jazz aussi, ça permet ça, de travailler, mais pas trop. Contrairement à la musique classique, qui demande beaucoup plus de pratique, beaucoup plus de... Alors, tu dois quand même énormément pratiquer. Enfin, pour moi, tu vois, un musicien de jazz, c'est quand tu veux faire cette musique... Intensément, tu dois pratiquer... En tout cas, quand tu es instrumentiste, tu dois pratiquer ton instrument autant que n'importe quel instrumentiste classique. Oui. Hein, non, mais je veux dire, pour, veux dire? Les projets, quand tu fais du classique, c'est certain que tu peux pas préparer tout ça en un avant-midi, tandis que le jazz, tu peux le faire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On doit se poser un peu plus, puisque c'est beaucoup plus solennel. C'est vrai que c'est différent. Enfin, après, moi, je suis pas... Je dis pas que c'est pas mieux ou pire. Je suis pas musicien classique, ouais. En même temps, je suis peut-être mal placé pour en parler, mais c'est vrai que c'est très différent. Mais lorsque tu prépares un disque, tu en as fait trois, à quel moment tu trouves le lien entre les pièces instrumentales? Ben écoute, souvent, je fais une, déjà dans le travail d'écriture, j'ai déjà une idée. Pour moi, quand tu composes et quand tu fais un disque, c'est très très important d'avoir de raconter quelque chose. Pour moi, la musique doit être narrative. Ça, la musique instrumentale aussi, évidemment, elle doit être absolument narrative. Donc du coup, il faut avoir au préalable, dans la construction du projet, déjà une idée finalement de ce qu'on veut dire, de ce qu'on veut raconter. Et puis après, ça c'est quand on réécoute les enregistrements, les choses s'agencent petit à petit. Et des choses qui sont très très logiques. Il y a parfois des choses où on se dit, ben ça, où est-ce que je vais le mettre? Est-ce qu'il faut le mettre? Peut-être pas. Et puis après, ben c'est de l'écoute, de la réécoute. On fait des ordres, oui. Après beaucoup, peut-être pas trop non plus, parce qu'il n'en faut pas trop non plus. Mais puis au bout d'un moment, il faut fixer des choses. Et puis après, je vais aussi le faire écouter à d'autres musiciens. Ouais. Et puis leur point de vue sur les liens, les chansons qui suivent. Est-ce que c'est important lorsqu'on te... Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, enfin ça c'est. Pour moi, c'est toujours très important d'avoir des conseils. Ouais, tu vois, Alors certains musiciens, par exemple Alain, tu vois Alain Jean-Marie, je l'ai toujours mis au courant du processus d'après l'enregistrement, mais il n'est jamais intervenu. Donc c'est quelqu'un. C'est de toute façon un personnage qui est d'une très très grande humilité, d'une très très grande discrétion. C'est quelqu'un qui parle très très peu. Mais quand il parle, il a quelque chose à dire. Tu vois. Mais il m'a laissé carte blanche sur le processus après du mix. Ça m'a étonné. Parce qu'un mix, c'est une étape très très importante. Tu vois. Et avec un mauvais mix, tu peux complètement trahir le propos de la musique, tu vois ce que je veux dire. Mais il m'avait fait confiance sur ça. Donc, sur les deux enregistrements, les musiciens étaient absents du mix. Est-ce que c'est la vieille école? Après, tu vois aussi, c'est de ça aussi. C'est-à-dire que ce sont des musiciens qui... Le plus important, c'est le live, en fait. C'est être sur scène, c'est vrai que le jazz, c'est une musique qui doit se vivre dans l'instant. Hein. Ben, c'est évident. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'exigeant vers les autres? Faudrait leur demander, mais... J'ai pas l'impression d'être très, très, très, très exigeant. Non, j'ai pas l'impression. Je pense pas. Des professeurs. Je sais pas, peut-être que je me trompe complètement en disant ça, hein, mais non. Es-tu exigeant envers un professionnel quand même? Je peux donner des directions. Quand j'enregistre, oui, je vais donner des directions, mais ce sont des indications, tu vois. Après, libre à chacun d'en faire ce qu'il veut, tu vois ce que je veux dire. En général, les gens avec qui je travaille. Bon, je sais que ça va, comment dire, que ça va fonctionner, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut de toute façon une confiance. Tu veux pas non plus donner trop de directives pour pas les enfermer dans quelque chose non, qui pourrait pas non, être... Non, et puis d'ailleurs, dans la plupart des projets que j'ai pu faire, il y a toujours une part de liberté. Hein. Le projet sur Miro, par exemple, ça fait réellement partie de ce projet. Quoi. Mais ça, tu l'as pas annulé, tu l'as juste reporté. Je l'ai ajourné pour l'instant, mais il faut que je reprenne ça. Mm-hmm. Il faut que je reprenne. Peut-être que... Pour 2022 ou 2023? Si c'est un projet qui se fait tel que je veux le faire. C'est-à-dire, pour moi, faire une exposition sur Miro et la musique, ça ne s'est jamais fait. C'est quelque chose... c'est un axe qui, pour moi, est essentiel. Parce que chez Miro, c'est quelque chose dont il parlait souvent, en fait. Pour lui, la peinture, la poésie, la musique, c'est le même axe créatif. Et ça l'a toujours été, en fait. Il a toujours exprimé comme ça. C'était un très, très grand mélomane. Et en reprenant, tu vois, ce travail, j'ai découvert que les pistes que j'avais eues en 2000, ça remonte maintenant à 2011, ou même 2007, parce que c'est un projet qui a été fait en plusieurs parties. Moi, j'ai commencé à écrire de la musique sans me dire, en me disant, tiens, chez ce peintre, je ressens ça. Et je ressens une très très grande musicalité. Mais je n'avais pas creusé plus que ça. J'avais un peu lu ses écrits et bon, il y avait des choses qui me confortaient dans mes idées. Mais je n'avais pas de preuves formelles, tu vois, réelles. Et puis j'ai découvert le travail de son petit-fils, Joan Cunyat Miro, qui a écrit un livre sur Miro et la musique. Tu vois, et alors là, bah, j'ai découvert en fait de manière très concrète et de manière très très documentée tout ce que j'avais perçu, enfin une grande part de ce que j'avais perçu. C'est-à-dire que son petit-fils a fait un travail de recherche sur cette thématique-là et a expliqué dans son livre tout le rapport de Miro à la musique. On a dans la succession Miro, enfin, qui gère toutes les archives de Joan Miro, à tous les disques de Miro. Il avait une pièce dans sa maison atelier qui était destinée à la musique. Ça faisait partie de son quotidien. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait un rythme. Thank you. me levais très très tôt. Il commençait toujours par de la gymnastique. Après, il créait. Et puis l'après-midi, il avait toujours cette phase de repos, entre guillemets, qui était presque une phase méditative, où il écoutait de la musique. Tu vois ? Et donc, du coup, on sait ce qu'il écoutait. On sait quelles étaient ses amitiés aussi avec des musiciens. Donc ça pour dire que ce projet, moi j'ai envie de le reprendre en le liant, en le mêlant totalement à un projet muséographique. Voilà. Bon, je suis pas conservateur, je suis musicien, mais je trouve que c'est, et d'ailleurs c'est dans les échanges que j'ai eus avec des institutions françaises, belges, anglaise, parce que j'avais proposé ça au départ à trois grosses institutions, ça a suscité un intérêt parce qu'en même temps, je suis musicien, voilà. Et parce qu'en même temps j'apporte une lecture, un éclairage qui est différent. Voilà. Et donc oui, ça je vais le reprendre. Et puis après forcément j'enregistrerai quelque chose. Mais pourquoi ça peut être là? Parce que c'est un peintre dont toutes les créations me touchent énormément, me parlent énormément. Et puis parce que, encore une fois, il y a une très grande musicalité dans toutes ses créations, en fait. Et souvent on me dit, ah mais c'est très bien, mais tu pourrais aussi faire, tu pourrais décliner ça sur, je sais pas, sur Picasso, sur d'autres peintres, sur des peintres plus classiques. Mais non, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas envie de prendre ça comme une sorte de prétexte, tu vois, il faut que ça ait un sens. Et là, si on a réellement, tu vois, Picasso et la musique, bon, Picasso, il a été mis à toutes les sauces, tu vois ce que je veux dire. Il y a un nombre d'expositions qui ont eu lieu, un nombre d'ouvrages de recherche qui ont été produits. Il y a eu Picasso et la musique il y a quelques temps au musée de la musique à la Philharmonie. Bon, c'est intéressant. Mais le point de vue était quand même très très très littéral, tu vois. Ça apporte rien du tout. Bah oui. Enfin, si, c'est peut-être intéressant pour certains, tu vois, dire, bah, regardez, Picasso, il avait des guitares. Regardez, Picasso, il a dans ses tableaux, il a la guitare est très présente. Ok, oui, c'est très bien. Mais et après, tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire, là, chez Miro, tu peux trouver dans certaines toiles, il y a des toiles où il y a vraiment la présence de la musique, où il y a des notes, où il y a des petites partitions, où il y a le mot musique. Il a fait des titres poèmes, il a donné des titres, des noms, enfin, c'est un mot qui s'appelait les titres poèmes. Il y en a un qui s'appelle La scène, la musique, enfin bon, j'ai plus exactement le titre. Il y a des toiles où il y a écrit Silence. Ah oui. Mais voilà, enfin, c'est quelque chose de beaucoup, pour moi, de beaucoup plus profond et de beaucoup plus intime, en fait, quoi. Et de beaucoup plus essentiel dans son processus créatif, quoi. La charge émotionnelle est beaucoup plus présente. Oui. Il disait à ses petits-fils, ça aussi, ça m'a beaucoup amusé, vers la fin de sa vie, il a fait des toiles brûlées. Et il raconte... je crois que c'est dans le livre de Joan Pugnet-Miro, il raconte que qu'un jour ils étaient en train de regarder avec son frère un concert de Jimi Hendrix, et leur grand-père est arrivé et donc a regardé avec eux, et comme tu sais, Hendrix il avait cette habitude souvent de détruire cette guitare à la fin de seconde et de les brûler, quoi. Et donc Miro qui leur dit, on fait la même chose, en fait, tu vois. Il brûle sa guitare, moi je brûle mes toiles. Ah, c'est l'idée, c'est en regardant. Tu vois. Ah non, pas en regardant Hendrix, non. Okay. Mais oui, mais tu vois, enfin. Il faisait l'analogie. Il faisait l'analogie, quoi. Et. voilà, enfin, y a plein... Enfin, j'ai commencé à faire une sélection, tu vois, de... De toiles. Une sélection de toiles, à poser des thématiques. Et ben après, tout ça, il faudra le mettre en œuvre, le confier à des conservateurs, à des équipes de conservateurs, pour pouvoir mettre en œuvre un parcours muséal autour de tout ça. Quoi. C'est ça, mais toi, qu'est-ce que tu veux? C'est des projections de toiles avec trame de son sonore? Alors, pas des projections de toiles. Moi, ce que je voudrais, c'est une exposition des œuvres de Miro. Avec ta musique? Avec de la musique. Alors, selon les salles, avec la musique que j'ai écrite ou que je vais écrire, parce qu'il y a aussi tout un projet d'écriture autour des constellations, qui est un ensemble de d'œuvres produites par Miro entre 1939 et 1941, donc à une époque quand même assez très sombre. Un ensemble d'œuvres techniques mixtes qu'il a commencé à Paris, puis après qu'il a aussi créé à Varangeville-sur-Mer et qu'il a transporté après en Espagne pour terminer toute cette série, et qui est une série très très importante. Donc ça aussi, il y a une création autour de ça. Mais dans l'exposition, il y aura aussi des musiques populaires catalanes, il y aura sûrement aussi des compositions de Varèse, de qui il était très proche, et Garvarès, pour qui il a fait aussi des hommages. Il a fait trois tableaux qui sont des hommages à Varèse. Voilà, on peut imaginer beaucoup de choses. Alors, ça n'a pas de fin. Ça en aura une. Il ouais, faut ouais, bien ouais. Finir, ouais, tu vois. On peut extrapoler, mais il y a une matière hyper riche. Ça, ouais. Et donc, c'est un projet que tu connaisses encore depuis... ça fait 15 ans déjà. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, c'est... Mais je le mènerai à bien. Je pense que je le mènerai à bien d'une manière ou d'une autre. Ce sera peut-être qu'un enregistrement, je ne sais pas. Okay, ce sera peut-être, j'en sais rien, peut-être un livre, ce sera peut-être. Et tu es rendu à peu près à combien de chansons sur ce projet-là? Là, pour l'instant, il y a eu deux phases d'écriture, donc qui remontent il y a une dizaine d'années, mais j'ai eu déjà deux phases d'écriture. Un premier projet qui s'appelle Ceci est la couleur de mes rêves, que j'ai coécrit avec Virgile Lefebvre, qui est un saxophoniste. Là, il était au saxophone soprano. Donc là, il y a à peu près 1h10 de musique. Et une deuxième phase d'écriture qui avait été une commande du musée Matisse pour une exposition sur Miro. Et là, j'avais écrit une suite en trois mouvements pour trombone et guitare. Et là, il y a 3/4 de musique. Donc il y a déjà 2h40, tu vois, peut-être pas une heure, enfin peut-être 2 heures de musique. Quoi. Mais est-ce que tu veux retoucher, parce qu'après 15 ans ou 10 ans, tu as peut-être... Ouais, non, il y a des choses auxquelles je vais revenir, et des choses que je n'utiliserai pas. Okay. Et puis après, il y a surtout... Il y a une base, de toute façon, déjà. Hein. Et puis, je dirais qu'il y a, dans ces deux phases, il y a déjà une posture. Il y a déjà une matière qui est et puis une façon d'aborder les choses. Voilà, je sais déjà comment je veux les aborder. Après, il va y avoir de l'écriture, c'est sûr. Et ça, tu fais ça seul ou accompagné? Pour l'instant, tout seul. Pour l'instant, seul. Et j'aimerais beaucoup travailler avec ça, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, avec la musique électronique. Ah oui, ok. Et tu as déjà parlé avec quelqu'un qui est dans ce milieu. Voilà. Après, ça ne se fera, je pense pas, avec lui. Ok. Mais lui, il va pouvoir te donner un son de cloche. Tu veux dire? Si tu veux avoir de la musique électronique, lui, quand tu as discuté avec lui, est-ce qu'il t'a dit c'était une bonne idée? Oui, c'était une... enfin, il m'a dit que c'était une bonne idée, mais après, je pense que c'est quelqu'un qui est... qui est tellement occupé que... Okay. Bon, il gère les choses dans le moment, en fait. Quoi. Et puis, comme je t'ai dit, je l'ai rencontré avant la crise sanitaire qu'on a vécue. Et bon... Et toi, si t'as frappé à sa porte, c'est que tu voulais travailler avec lui. Oui. Tu voulais pas lui donner un peu l'esquisse de ce que tu faisais pour savoir si c'était... Je lui ai fait écouter, okay. Les choses, oui. Ouais. oui, qui l'ont intéressé. Mais il peut pas. Après, il faut. Enfin, est-ce qu'il a une réelle connexion avec Miro? J'en suis pas sûr. Il faudra qu'on reprenne nos discussions, voir si ça peut se faire. Et si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Et tu crois que ça sera pas lui? Je pense que non. Parce que toi, tu peux. Ouais. Mais au moins, il y a eu la gentille. C'est trop une méga star, je pense. Ouais. Aussi. Mais tant mieux, si ouais. Il a pris le temps de t'écouter. Puis... Mais la rencontre était intéressante, les échanges étaient intéressants. Voilà, donc c'est déjà ça. Hein. C'est déjà très bien. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.